Pendant ce dîner, Hulot, content de voir là son gendre, et plus satisfait encore de la certitude d'un raccommodement avec Valérie, qu'il flattait de rendre fidèle par la promesse de la succession coquet, fut charmant. Stidmann répondit à l'amabilité du baron par les gerbes de la plaisanterie parisienne et par sa verve d'artiste. Steinbock ne voulut pas se laisser éclipser par son camarade, il déploya son esprit. Il eut des saillies, il fit de l'effet, il fut content de lui. Madame Marneffe lui sourit à plusieurs reprises, en lui montrant qu'elle le comprenait bien. La bonne chère, les vins capiteux, achevèrent de plonger Wenceslas dans ce qu'il faut appeler le bourbier du plaisir. Animé par une pointe de vin, il s'étendit après le dîner sur un divan, en proie à un bonheur à la fois physique et spirituel, que Madame Marneffe mit au comble en venant se poser près de lui, légère, parfumée, belle à damner les anges. Elle s'inclina vers Wenceslas, elle effleura presque son oreille pour lui parler tout bas. « Ce n'est pas ce soir que nous pouvons causer d'affaires, à moins que vous ne vouliez rester le dernier. Entre vous, Lisbeth et moi, nous arrangerions les choses à notre convenance. »« Ah, vous êtes un ange, madame !» dit Wenceslas en lui répondant de la même manière. « J'ai fait une fameuse sottise de ne point écouter Lisbeth. »« Que vous disait-elle ?»« Elle prétendait, rue du Doyenné, que vous m'aimiez. »«